Chapitre 18e. L'archiduc, à l'apparition inattendue de la marquise de Miranda, partagea la surprise de M. Pascal. Celui-ci jeta d'abord des regards ébahis sur Madeleine, la croyant commensale du palais, car elle avait ôté son chapeau et sa beauté singulière rayonnait dans toute sa splendeur. L'ombre jusqu'alors portée par la passe de son chapeau, qui cachait en partie le front et les joues, avait disparu, et la vive lumière du grand jour, faisant valoir encore la transparente pureté du teint pâle et brun de Madeleine, dorait les boucles légères de sa magnifique chevelure blonde, y donnait à l'azur de ses grands yeux, aux longs sourcils noirs, cette étincelante limpidité que donne au bleu d'une mer tranquille le rayon de soleil qui la pénètre. Madeleine, la joue légèrement colorée par l'indignation que lui causait l'odieux projet de Pascal, le regard animé, les narines frémissantes, la tête fièrement redressée sur son cou élégant et souple, Madeleine s'avança donc au milieu du salon et répéta en s'adressant au financier « Non, le prince n'acceptera pas la condition que vous avez l'audace de lui imposer, monsieur. »« Madame, » balbutia M. Pascal en sentant son effronterie habituelle l'abandonner et se reculant à la fois troublé, intimidé, charmé. « Madame, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais de quel droit vous... »« Allons, monseigneur !» reprit la marquise en s'adressant à l'archiduc. « Reprenez donc votre dignité, nom de prince, mais d'homme. Accueillez donc avec le mépris qu'elle mérite l'humiliante condition que l'on vous impose. À quel prix, grand Dieu, acheteriez-vous un accroissement de pouvoir? Comment? Vous auriez le courage de ramasser votre couronne souveraine aux pieds de cet homme? Mais elle souillerait votre front. Mais un homme de cœur, dans la plus humble des conditions, n'aurait pas toléré la millième partie des outrages que vous venez de dévorer, monseigneur. Et vous êtes prince, et vous êtes fier, et vous êtes de ceux qui se croient d'une race supérieure aux vulgaires. Ainsi, pour vos plats courtisans, pour vos bas adulateurs, pour vos peuples intimidés, vous n'aurez que hauteur, et devant un monsieur Pascal, vous abaisserez votre orgueil souverain. « Voilà donc la puissance de l'argent !» ajouta Madeleine avec une exaltation croissante en coupant la parole au financier d'un geste de dédain écrasant. « Voilà donc devant qui l'on s'incline, merci Dieu ! Voilà donc aujourd'hui les rois des rois ! Songez-y donc, prince, ce qui fait l'empire et l'impudence de cet homme, c'est votre ambition !» « Allons, monseigneur, au lieu d'acheter par un honteux abaissement le hochet fragile d'un rang souverain, renoncez à cette pauvre vanité, reprenez vos droits d'homme de cœur, et vous pourrez ignominieusement chasser cet homme qui vous traite plus insolemment que vous n'avez jamais traité le dernier de vos propres vassaux. » Pascal, depuis son avènement à la fortune, s'était habitué à une domination despotique et aux déférences craintives de ceux dont il tenait le sort entre ses mains. Que l'on juge de son saisissement, de sa rage, en s'entendant apostropher ainsi par Madeleine, la femme sinon la plus belle, du moins la plus attrayante qu'il eût jamais rencontrée. Que l'on songe à son exaspération en pensant qu'il lui faudrait sans doute renoncer à l'espoir d'épouser Antonine, et perdre le bénéfice de l'emprunt ducal, excellente affaire selon lui. Aussi, s'écria-t-il d'un air menaçant, « Madame, prenez garde. Ce pouvoir de l'argent que vous traitez si indignement peut mettre bien des ressources au service de sa vengeance. Prenez garde. Merci Dieu. La menace est bonne. Elle m'épouvante beaucoup. » reprit Madeleine avec un éclat de rire sardonique et en arrêtant d'un geste le prince qui vivement fit un pas vers Pascal. « Votre pouvoir est grand, dites-vous, monsieur du coffre-fort. C'est vrai, c'est un pouvoir immense que celui de l'argent. J'ai vu à Francfort un bon petit vieil homme qui a dit, en 1830, à deux ou trois grands rois furibonds, « Vous voulez faire la guerre à la France, cela ne me convient pas. Or, ni moi, ni ma famille ne vous donneront d'argent pour payer vos troupes. » Il n'y a pas eu de guerre. Ce bon vieil homme, 100 fois plus riche que vous, monsieur Pascal, habite l'humble maison de son père et vit de peu, tandis que son nom bienfaisant est inscrit sur 20 splendides monuments d'utilité publique. On l'appelle le roi des peuples, et son nom est autant de fois béni que le vôtre est honni ou sifflé, monsieur Pascal. car votre réputation de loyal et honnête homme est aussi bien établie à l'étranger qu'en France. Certainement, oh, vous êtes connu, monsieur Pascal, trop connu, car vous n'imaginez pas comme on apprécie votre délicatesse, votre scrupuleuse probité. Ce qui est surtout l'objet de la considération universelle, c'est la manière honorable dont vous avez gagné, augmenté votre immense fortune. Tout cela vous a fait une réputation très retentissante, monsieur Pascal, et je suis heureuse de pouvoir vous l'affirmer dans cette circonstance. Madame, reprit Pascal avec un calme glacial plus effrayant que la colère, vous savez bien des choses, mais vous ignorez quel est l'homme que vous irritez. Vous ignorez ce qu'il peut, cet homme du coffre-fort, comme vous dites. Le prince fit un nouveau geste de menace que Madeleine contint encore, puis elle reprit en haussant les épaules. Ce que je sais, monsieur Pascal, c'est que malgré votre audace, votre impudence, votre coffre-fort, vous n'épouserez jamais mademoiselle Antonine Hubert, qui demain sera fiancée à Franz de Neuberg, ainsi que monseigneur va vous en donner l'assurance. Et la marquise, sans attendre la réponse de Pascal, lui fit un demi-salut ironique et rentra dans la pièce voisine. Entraîné par la généreuse indignation des paroles de Madeleine, de plus en plus subjugué par sa beauté qui venait de lui apparaître sous un jour tout nouveau, l'archiduc, sentant se raviver dans son cœur toutes les rancunes, toutes les colères amassées par les insolences de Pascal, éprouvait la joie de l'esclave libre enfin d'un joug détesté. À la voix chaleureuse de la jeune femme, la mauvaise âme de ce prince, durcie par l'orgueil de race, glacée par l'atmosphère de morne adulation où il avait jusqu'alors vécu, eut du moins quelques nobles palpitations. Et la rougeur de la honte couvrit enfin le front de ce hautain personnage en mesurant à quel degré d'abaissement il était descendu devant M. Pascal. Celui-ci, n'étant plus intimidé, troublé par la présence de la marquise, sentit renaître son audace et s'adressant brusquement au prince, il lui dit, avec son habitude d'ironie brutale, à laquelle se mêlait la haineuse jalousie de voir à l'archiduc une si belle maîtresse, du moins telle était la croyance de Pascal. Morbleu, je ne m'étonne plus, monseigneur, d'avoir si longtemps fait le pied de grue dans votre antichambre. Vous étiez, je le vois, occupé en bonne et belle compagnie. Je suis un fin connaisseur et vous fais mon compliment. Mais des hommes comme nous ne se laissent pas mener par un cotillon. Or, je crois que vous connaissez trop vos intérêts pour renoncer à notre emprunt et prendre au sérieux les paroles que vous venez d'entendre et que je n'oublierai pas, moi, car j'en suis fâché pour vous, monseigneur, ajouta Pascal, dont la rage redoublait l'effronterie. Mais malgré ses beaux yeux, il faudra que je me venge des outrages de cette trop adorable personne. Monsieur Pascal, dit le prince, triomphant de pouvoir enfin de se venger. Monsieur Pascal, et du geste, il lui montra la porte, sortez d'ici et n'y remettez jamais les pieds. Monseigneur, ces paroles. Monsieur Pascal, reprit le prince d'une voix plus élevée, en allongeant la main vers le cordon d'une sonnette, sortez d'ici à l'instant ou je vous fais jeter dehors. Il y a ordinairement tant de lâcheté dans l'insolence, tant de bassesse dans la cupidité, que M. Pascal, atterré de voir ses espérances lui échapper, et de perdre aussi les bénéfices de l'emprunt, se repentant, mais trop tard, de sa grossièreté, devint aussi abject qu'il avait été jusqu'alors arrogant, et dit au prince d'une voix piteuse, « Monseigneur, je plaisantais. Je croyais que votre Altesse, en daignant me laisser mon franc-parler, s'amusait de mes boutades. Voilà pourquoi je me permettais tant de choses incongrues. Votre Altesse peut-elle penser que j'ose conserver le moindre ressentiment des plaisanteries que cette charmante dame m'a adressées? Je suis trop galant, trop chevalier français pour cela. Je demanderai même à votre Altesse, dans le cas où, comme je l'espère, notre emprunt aurait toujours lieu, d'offrir à cette respectable dame ce que nous autres hommes du coffre-fort, comme elle le disait si gaiement tout à l'heure, nous appelons des épingles pour sa toilette, quelques rouleaux de 1000 louis. Et les dames ont toujours de petites emplettes à faire et... Monsieur Pascal, dit le prince, qui jouissait de cette humiliation qu'il n'avait pas eu le courage d'infliger à M. Pascal. « Vous êtes un misérable drôle, sortez !»« Ah ça, monseigneur, est-ce sérieusement que vous me traitez ainsi ?» s'écria Pascal. Le prince, sans répondre, sonna vivement. Un aide-de-camp entra. « Vous voyez bien, monsieur ?» dit l'archiduc à l'officier en indiquant du geste Pascal. « Regardez-le !»« Oui, monseigneur. Savez-vous son nom ?»« Oui, monseigneur, c'est M. Pascal. »« Vous le reconnaîtrez bien ?»« Parfaitement, monseigneur. » « Eh bien, conduisez cet homme jusqu'à la porte du vestibule, et s'il avait jamais l'impudence de se présenter ici, chassez-le honteusement. »« Nous n'y manquerons pas, monseigneur, » reprit l'aide-de-camp, qui ainsi que ses camarades avait eu sa part des insolences de M. Pascal. Notre homme, voyant la ruine de ses espérances et n'ayant plus rien à ménager, retrouva son audace, redressa la tête et dit au prince, qui, suffisamment vengé, avait hâte d'aller rejoindre Madeleine dans la chambre voisine. « Tenez, monsieur l'archiduc, notre courage et notre bassesse à tous les deux sont de la même farine. L'autre jour, j'étais fort de votre lâcheté, comme tout à l'heure vous avez été fort de la mienne. La seule personne vaillante ici, c'est cette damnée femme, aux sourcils noirs et aux cheveux blonds, mais je me vengerai d'elle et de vous. » Le prince, irrité de se voir ainsi traité devant un de ses subalternes, devint pourpre et frappa du pied avec fureur. « Sortirez-vous, monsieur ? » s'écria l'officier en mettant la main à la garde de son épée et menaçant Pascal. « Hors d'ici ou sinon ?»« Très beau, monsieur le batailleur !» répondit froidement Pascal en se retirant. « Tout beau ! On ne sabre personne ici, voyez-vous ? Et nous sommes en France, voyez-vous ? Et nous avons, voyez-vous, de bons petits commissaires de police ?» recevoir la plainte des honnêtes citoyens que l'on violente. » M. Pascal sortit du palais le cœur noyé de fiel, rongé de haine, crevant de rage. Il songeait à sa cupidité déçue, à son amour déçu, et il ne pouvait chasser de sa pensée l'ardente et pâle figure de Madeleine, qui, loin de lui faire oublier la candeur virginale de la beauté d'Antonine, semblait la rendre plus présente encore à son souvenir, car ces deux types à la fois si parfaits et si dissemblables se faisaient valoir par leur contraste même. L'homme est un animal bizarre. Je me sens des instincts de tigre, se disait M. Pascal en suivant à pas lents la rue du Faubourg Saint-Honoré, les deux mains plongées dans les goussets de son pantalon. Non, ajouta-t-il en marchant la tête baissée et les yeux machinalement fixés sur le pavé. Non. « Il ne faut pas dire cela de peur de rendre moins cruel, moins amer à ceux qui la ressentent, l'envie qu'il nous porte à nous autres millionnaires. Car heureusement nos envieux souffrent comme des damnés de toutes les joies qu'ils nous supposent. Mais enfin, c'est un fait. Me voici moi à cette heure, ayant dans ma caisse de quoi me rassasier de toutes les jouissances, permises et défendues, qu'il se donnait à l'homme de rêver. Je suis jeune encore, je ne suis pas sot. Je suis plein de vigueur et de santé, libre comme l'oiseau, la terre est à moi. Je puis me rassasier en ce qu'elle offre de plus exquis dans tous les pays. Je puis mener une vie de sybarite à Paris, à Londres, à Vienne, à Naples ou à Constantinople. J'ai pu être prince, duc ou marquis et chamarré de cordon. Je puis avoir ce soir à mon coucher les actrices les plus belles et les plus enviées de Paris. Je puis avoir chaque jour un festin de Lucullus, me faire traîner par les plus beaux chevaux de Paris. Je peux encore, dans un mois, en prenant un hôtel splendide, comme tant d'autres fripons ou imbéciles, réunir chez moi l'élite de Paris, de l'Europe, ce quasi-roi que j'ai failli sacrer avec la sainte ampoule de la Banque de France, cet archiduc que je quitte m'a léché les pieds. Eh bien, ma parole d'honneur, ajouta mentalement M. Pascal en grinçant des dents, « je gage que personne au monde ne souffre autant que moi en ce moment. J'étais dans le paradis, lorsque, homme de peine, je décrottais les souliers de mon vieux copain d'usurier de province. Heureusement que, pour ne pas mâcher à vide, je peux toujours, en attendant de meilleurs morceaux, manger un peu de Dutertre. Courons chez mon huissier. » L'archiduc, après le départ du financier, se hâta, nous l'avons dit, d'aller retrouver la marquise de Miranda. Mais à son grand étonnement, il ne la retrouvera pas dans la pièce où elle était entrée. Cette pièce n'ayant d'autre issue que dans le salon de service, le prince demanda aux aides de camp s'ils avaient vu passer la personne à qui il avait donné audience. Il lui fut répondu que cette dame était sortie du salon et avait quitté le palais peu de temps avant le départ de M. Pascal. Madeleine, en effet, s'était éloignée, quoiqu'elle eût d'abord résolu d'attendre le prince jusqu'à la fin de son entretien avec M. Pascal. Voilà pourquoi la marquise avait pris le parti contraire. Elle rentrait dans le salon, après avoir traité M. Pascal comme il méritait de l'être, lorsque, jetant par hasard les yeux dans le jardin, elle aperçut Franz, qui avait sollicité la grâce de faire avant son départ quelques tours de parc, accompagné du major Butler. À la vue de Franz, Madeleine resta pétrifiée. Elle reconnut son blond archange, l'objet de cette idéale et unique passion dont elle avait fait l'aveu à Sophie Dutertre.